durant la demi-heure que nous mettons à gagner la police d'abord, puis le chef de ladite police étant absent, un bar où nous devons loncher, Bazarov parle toujours. Son bavardage n'est pas sans éloquence. Comme tous les révolutionnaires que j'ai connus, il se maintient dans la sphère des idées générales. Il prodigue les théories de vaste régénérescence, invérifiables et par conséquent indiscutables. Et il découpe sans cesse d'un énergique « That is my belief », telle est ma croyance. De quoi soulever d'enthousiasme une assemblée d'instinctifs. Il énonce quelques opinions exactes sur le paysan français, qu'il compare au paysan russe. Qu'ils les connaissent l'un et l'autre prouve l'étendue et la pénétration de ce travail révolutionnaire, en train d'attaquer l'ouvrier des champs après avoir pourri celui des usines. Le nom de Jérusalem ayant passé dans la conversation à propos des colonies agricoles dont quelques Israélites charitables prennent l'initiative en Palestine. « Jérusalem, dit Bazarov, mon père voulait m'y envoyer. Même à Jérusalem à moi est ici. Mon père, continue-t-il, voulait faire de moi un saint. » Je suis devenu un infidèle. Il ricane. Ses gros yeux verts laissent passer cet étrange regard, propre à certaines personnes de sa race, où il tient un infini de mystification et de désillusion. Quand on a vu pleurer les Juifs au pied du mur du Temple, à Jérusalem, le vendredi, on comprend quel doit être le scepticisme de ces espéreurs éternels le jour où ils cessent de croire à ce Messie promis, et qui pour eux n'est pas venu. Et comme si celui-ci avait entendu ma pensée, il reprend. D'ailleurs, entre les gens qui s'appuient sur la Bible et nous, il y a un abîme, je sais. Il y en a qui se prétendent socialistes, surtout des catholiques. L'archevêque Argland, par exemple. Mais catholiques juifs ou protestants, prêtres, rabbins ou pasteurs, tous ces gens racontent au peuple qu'il doit accepter la volonté de Dieu, qu'il doit être résigné, satisfied. Eh bien, le socialisme consiste justement à lui enseigner le contraire, à lui démontrer qu'il doit être révolté, dissatisfied. Il prononce cette phrase profonde au moment même où nous passons le seuil du restaurant, dans lequel M. K. l'introduit en lui disant avec l'ironie incisive d'un vrai Américain. Nous autres démocrates, nous aimons les cabarets aristocratiques, n'est-il pas vrai? Nous prenons place dans une salle à manger assez luxueusement décorée, en effet de glaces et de verres de couleur, où des hommes d'affaires, presque tous juifs aussi, dévore un lynche hâtif. Un d'eux reconnaît Bazarov et lui serre la main. C'est un des patrons chez lesquels il a travaillé lors de son arrivée à New York et qu'il a failli ruiner par une grève. Il s'est battu contre moi très franchement, dit l'agitateur. Je me suis battu contre lui très franchement. Ce n'est pas une raison pour ne plus se connaître. Il sourit au souvenir de cette grève dont il nous raconte les épisodes, tout en dégustant des huîtres frites. Il y voit une campagne glorieuse en faveur d'idées dont je souhaite que du moins il les croie vraies. Il oublie les gens qui ont eu plus faim. C'est à quoi d'ailleurs les révolutionnaires n'ont jamais pensé. Quand on reconstitue leur psychologie, on trouve toujours que ce sont des esprits d'abstraction, pour qui la douleur humaine est le point de départ d'un raisonnement. Ces théoriciens qui en parlent le plus sont aussi ceux qui la sentent le moins. Nous retournons à la police. Notre compagnon reste à la porte, et il a raison, car le célèbre M. Byrne, que nous trouvons enfin, nous parle de lui en termes qui eussent rendu cette visite pénible, si l'autre eût été là. Ce chef de la sûreté, le meilleur qu'ait jamais eu New York, est un géant, au visage dur, à la bouche serrée, à l'œil pénétrant, presque empoignant. C'est une impression étrange que de quitter ainsi, en quelques secondes, la société d'un révolutionnaire déclaré pour celle d'un professionnel de la justice. On sent à la fois la nécessité pour chaque civilisé de prendre parti dans ce duel implacable et ininterrompu de l'ordre contre le désordre et la légitimité, en un certain sens, de l'autre et de l'autre forme d'âme. Cette impression, j'allais la subir plus forte encore. Monsieur Byrne fait venir, pour nous escorter dans notre tournée au pays de misère, un de ses meilleurs agents dont j'ai promis de taire le nom véritable. Je l'appellerai Clark, comme j'ai appelé Bazarov le nihiliste polonais. Nous voyons entrer un homme court et large, à la face de molosse moustachu, avec une mâchoire de prise et de morsure, au-dessus d'un nez coupé en carré. Ses petits yeux noirs semblent lui brûler trop près de la cervelle, comme ceux des bêtes de proie. C'est un animal tout muscle et toute poursuite, dont les moindres mouvements trahissent une agilité sauvage. Rien qu'à le regarder marcher, je comprends que les romanciers américains aient le goût de choisir les détectives pour héros de leurs récits sensationnels. Dans une créature de cette race, l'énergie physique et morale est à l'état de jaillissement continu, comme chez les soldats qui font campagne. L'audace, la présence d'esprit, la capacité de suffire à tous les dangers, l'adresse et la ruse se dégagent de cet athlète de police, et avec cela une jovialité de soudard. Nous avons pris congé de M. Byrne, dont la prunelle aiguë s'est adoucie pour regarder son homme, et nous voici au bas de l'escalier, M. K et moi, qui présentons MM. Clark et Bazarov l'un à l'autre. Il y eut vraiment dans la confrontation de ces deux êtres tout l'antagonisme soudain révélé de deux espèces sociales. Les yeux à fleur de tête du révolutionnaire se firent insolents, d'une insolence ironique et effrayée, tandis que le petit nez court du policier se fronçait et se crispait comme le museau d'un dogue qui va s'élancer et mordre. Le « very glad to meet you, sir », qu'il dit à l'américaine, s'échappa comme un grand mêlement, et marchant côte à côte, leur dos seul continuait d'évoquer l'idée de deux mondes en combat. L'un dans sa carrure de troupier, le pardessus militairement brossé et boutonné, le chapeau luisant comme du métal, les pieds chaussés de fortes bottes, marchait avec une certitude singulière, tandis que l'autre, par instinct et par outrecuidance, exagérait encore son débraillement, les pieds lancés mollement, les mains comme flottantes dans les poches de son pantalon déchiré et délavé, l'air indifférent, gouailleur et indomptable, sous la loque de son couvre-chef. Et cependant, ils commençaient de causer ensemble, avec cette familiarité bon enfant, qui semble flotter dans l'air de cette vaste démocratie, et se respirer par tous les pores. « C'est étonnant que nous ne nous soyons pas encore rencontrés, Monsieur Clark, » dit Bazarov. « Et que je ne vous ai pas arrêté, mon garçon, » répond l'autre. « Oh, » reprend le Polonais, « nous savons que Monsieur Byrne et ses hommes n'aiment pas beaucoup les gens occupés à l'organisation du travail, et ces gens-là n'aiment pas non plus beaucoup Monsieur Byrne et ses hommes. » Il y a de l'orgueil et du défi dans la voix grasseyante de l'étranger. « Nous appréhendons une dispute, et j'interroge Monsieur Clark sur sa vie et sur son métier. » « Well, » me dit-il, après quelques phrases sur son âge et sur sa famille, « ce métier a le mérite de donner toujours lieu à quelques petits excitements. Ainsi, la semaine dernière, j'ai eu dans la bouche le canon du revolver d'un voleur désespéré. S'il avait tiré, je n'aurais pas eu le plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui, et celle de ce gentleman. » Et il regarde de nouveau du côté de Bazarov. Je sens ses muscles bouger sous le drap de son pardessus. Il lui démange à voir sa proie si près et ne pas lui sauter dessus. Il passe dans ses petits yeux une mauvaise lueur. Pour le moment, son métier à excitation consiste à protéger cet ennemi, sur lequel il aurait si bonne envie de bondir. Et, redevenu maître de lui, il goguenarde et lui offre un cigare. Nous sommes entrés, tout en causant ainsi, au cœur du quartier que les New-Yorkais appellent la Bowery, d'un vieux mot hollandais, qui signifie « ferme ». La rue où nous nous engageons pourrait aussi bien serrer ses maisons sordides dans un faubourg de Rome ou de Naples. Elle n'est peuplée que d'Italiens. Après avoir cheminé quelques instants entre ces masures, le long desquelles toutes les enseignes et toutes les affiches sont en italien, nous pénétrons dans un petit logis. Il se compose de deux chambres au rez-de-chaussée, aussi étroites que des cabines de bateau. Des hommes et des femmes y travaillent, au nombre de 8, accroupis dans un air fétide qu'un poêle de fonte rend plus asphyxiant encore, et quelle saleté! Pas un d'eux ne parle l'anglais. Je les questionne dans leur langue et j'apprends qu'ils sont de Catanzaro, en Calabre. Voici 4 ans, à cette date ou presque, je visitais cette belle ville haute d'où l'on voit la mer et que l'on atteint en gravissant des côtes plantées de cactus. Pourquoi ne sont-ils pas restés là-bas, à paître leurs troupeaux et à manger les fruits fauves qui pointent sur le bord des vertes raquettes épineuses? L'invincible espérance les a portés ici, dans cette tanière qu'ils paient $8 par mois, le prix d'un loyer d'un an dans leur pays. Au lieu d'avoir derrière leurs fenêtres la sauvage montagne violette, les profonds ravins verdoyants et la libre mer bleue, ils ouvrent leurs croisées, quand ils veulent renouveler l'air, sur une cour froide et puante comme un égout, dans laquelle tout le linge des voisins, pendu à des cordes, secoue une pluie de microbes empestés. Et c'est ainsi, indéfiniment, le long de cette rue, et de combien d'autres. Nous visitons une seconde maison, où se tient une seconde famille, composée de 9 personnes. Ceux-ci viennent de Caserte. Les femmes et les enfants grelottent dans leurs haillons, malgré le poêle toujours chauffé à blanc. Avec leur face méridionale, jaune de la cuisson du soleil natal, verdâtre presque, où tournent des prunelles d'un noir brûlant, ces exilés font pitié. à deux pas, en plein air, si ce brouillard de cave, âcre et pestilentiel, peut s'appeler de l'air, des filles drapées de châles épais, et qui sont des abruses, retapent des couvertures. Maigres et usées déjà, malgré leurs 20 ans, elles sourient d'un sourire qui a faim et qui a froid, froid surtout, froid jusqu'aux os, froid jusqu'au sang, et elles maudissent « Questa brutissima terra », cette terre de hideur. On devine l'entreprise des migrations, l'exode par villages entiers, le voyage de Naples à Gibraltar, puis de Gibraltar ici, au rabais, dans la cale ou sur le pont, suivant la saison, à bord d'un de ces vastes paquebots dont l'image coloriée se voit à la fenêtre des cabarets de la rue. L'annonce de la compagnie, qui est allemande, s'étale au-dessus. À une autre devanture d'un autre cabaret, la croix de Savoie se dessine. Il y a un symbolisme dans cette rencontre. N'est-ce pas l'œuvre de la triple alliance et de la folie militaire que cette fuite de ces malheureux, loin de leur admirable patrie, devenue trop pauvre? Et même entre ces deux misères, l'adjo ne les lâche pas. Cette inscription passablement ironique « Banca Popolare »« Banque populaire » apparaît à un détour. Des billets de banque de 100 et de 50 lire étalés sous un vitrage tendent la main. Nos compagnons s'arrêtent. « Croyez-vous, dit empathiquement le socialiste, qu'on ne ferait pas mieux de donner tout cet argent aux malheureux que nous venons de voir ? Et s'ils le prenaient pourtant ?»« Ils ne le feront pas, répondit philosophiquement le policier. Le crime habituel ici n'est pas le vol, c'est le coup de couteau et aussi la prostitution. Ils vendent leurs femmes aux Chinois, qui sont là, dans le quartier contigu. La loi ne permet pas aux femmes jaunes d'habiter les États-Unis. Mais John, c'est le surnom américain des habitants du Céleste Empire, John a beaucoup de goût pour les femmes blanches, et il s'en paie le plus qu'il peut avec l'argent qu'il gagne ou qu'il vole. Car c'est son crime à lui, le vol, comme chez les Irlandais, l'ivrognerie. D'ailleurs, conclut-il, voici leur rue. L'affiche italienne a cédé en effet la place à l'illisible affiche en caractère de l'Extrême-Orient. Et sur le mince trottoir, devenu propre, j'entends claqueter les épaisses semelles de bois des jaunes. Petits et frêles, la face glabre, sous le chapeau rond, avec la natte noire des cheveux enroulés par-dessous en un chignon huileux, ils vont et ils viennent, silencieusement. Leur torse n'a pas de forme visible, sous la blouse bleue à blanche flottante. Leurs pieds si minces le sont davantage encore, sous le battement de leurs larges pantalons. Ces espèces de nains aux traits délicats, avec leurs yeux bridés, si noirs sur un teint si jaune, avec leurs pommettes saillantes, l'ossature triangulaire de leurs masques et leurs nez camards, donnent l'impression d'un envahissement de bêtes qui vont se répandre dans la ville, gagner, gagner, tout détruire. Il y a du serpent dans ces faces plates et une énigmatique endurance dans ces regards qui semblent ne rien recevoir du monde environnant. Bazarov, depuis que nous avons quitté la rue italienne, semble lui-même devenu aussi impassible que ces étranges promeneurs. Il ne peut que les haïr, car ils sont des ennemis plus dangereux pour le socialisme que les plus féroces capitalistes, travaillant comme ils font pour rien, et d'un travail toujours égal, jamais rebuté, jamais lassé, des 15 et des 16 heures d'affilée. Avec eux, la main-d'œuvre s'avilie, et sans cesse, il faut les protéger contre la fureur de leurs concurrents, de la race blanche, qu'ils ruineraient en quelques années, si on les laissait libres. À mesure que l'agitateur s'assombrit, le détective, lui, devient plus jovial. Il trouve ces gens très plaisants, « great fun ». Il entre dans toutes les boutiques, touche à tous les objets, frappe sur toutes les épaules avec sa large main, en s'esclaffant de rire. Les petits hommes jaunes clignent leurs yeux noirs avec une bonhomie malicieuse. Ils nous offrent leurs marchandises, lutées enveloppées dans des boîtes coquettes, des lacs, des étoffes, des porcelaines, le tout digne d'un bazar de 20e ordre. Ils en demandent des prix exorbitants, et ils continuent de sourire quand on discute avec eux, sans plus s'émouvoir et sans insister. Ce n'est pas le commerce qui les fait vivre à New York, c'est le blanchissage. Ils l'entreprennent à des prix si humbles qu'ils l'ont accaparé. Il leur faut si peu. Nous entrons pour nous rendre compte de leur régime, dans un de leurs restaurants. Sur des tables rondes, très hautes, des mets préparés attendent qui trahissent le travail des doigts minutieux, des oranges farcies, pelées à l'avance et encore revêtues de cette peau qui les protège, des oignons dressés, des hachis dans des feuillages, des crudités bizarres, révèlent un estomac tout autre. Le suc gastrique habitué par une hérédité, 20 fois séculaire à dissoudre d'autres nourritures. Partout les longues pipes droites, avec leurs petits fourneaux de métal, dénoncent le vice traditionnel, le goût terrible de l'opium. Il faudra revenir la nuit pour les voir fumer, le jour ils travaillent. Dans l'entre-deux, ils n'ont pas trop le temps de mal faire. S'il n'y avait qu'eux à New York, M. Byrne ne serait pas si occupé. Tandis que le chien de police grommelle de nouveau, ainsi en regardant Bazarov, le visage de ce dernier s'éclaire et s'illumine. Sa bouche épaisse recommence de parler. Nous sommes maintenant parmi ses fidèles, car nous débouchons du quartier des Chinois dans celui des Juifs. Ces derniers sont pour la plupart des Allemands et des Polonais. Ah, l'invincible, l'indestructible race, et que je retrouve pareille à elle-même, telle que je l'ai vue dans les ruelles de Tanger, dans celles de Beyrouth, dans celles de Damas, et sur cette hauteur de Safed, où dans la synagogue les vieux rabbins commencent le Talmud et annoncent le libérateur. D'où arrivent les pauvres juifs de ce quartier-ci? À travers quelles abominables odyssées de persécution sont-ils venus installer dans ce faubourg de New York ces étalages dont les Auvergnats et eux ont seuls le secret? Ces échoppes où le marchand trouve le moyen de vendre l'invendable, vieilles ferrailles, vieux boutons, vieux morceaux de bois, vieilles loques. Ces indescriptibles boutiques où traîne le déchet du déchet envahissent le trottoir. Les affiches maintenant sont en hébreu. Des crieurs vont, offrant des journaux, en hébreu aussi. Les enfants pullulent, attestant cette puissance de procréation dont parlait la promesse du livre, comme les sables de la mer. Beaucoup de ces petits ont ce magnétique éclat oriental des prunelles qui se retrouve aussi dans les yeux des femmes, en train de grouiller parmi cette misère. Bazarov est chez lui maintenant. Il marche parmi les saluts et les sourires. Il connaît tout le monde, et tout le monde le connaît. Son pas incertain de tout à l'heure s'est fait précis pour nous conduire. À sa suite, nous visitons plusieurs ateliers, tant d'hommes que de femmes, où l'on travaille à de la couture. Nous y trouvons, rangés sous la surveillance du chef, du boss, de patientes et maigres figures masculines, toutes velues, avec un nez infini, de pauvres poitrines féminines creusées, des épaules aiguisées par la phtisie, des filles de 15 ans, vieilles comme des grand-mères, et qui n'ont pas mangé un morceau de viande dans leur vie, toute une lamentable suite de physiologie de misère. À peine si nous pouvons supporter l'atmosphère de ces ateliers, où le relent des corps mal soignés se mélange à l'odeur des nourritures gâtées, le tout exaspéré par la fade senteur du poil. Nous questionnons ces esclaves sur le salaire gagné ainsi. Les chiffres donnés par les partisans de la Révolution deviennent affreusement exacts, d'une exactitude qui, contrôlée de la sorte, serre le cœur. Pour 12 de ces petits pantalons d'enfants, sur le drap desquels nous voyons se pencher, ces profils creusés de détresse, l'entrepreneur donne 75 sous. L'ouvrier n'en fait pas 18 dans ses meilleures journées, en ne perdant pas une demi-heure. 12 de ces chemises, dont ces aiguilles maniées par des mains de poitrinaire, aux ongles recourbés, piquent hâtivement la toile. Oui, 12 de ces chemises rapportent 31 sous, et l'ouvrier doit payer son coton sur sa poche. Encore ces prix ne sont-ils pas sûrs? Depuis un an, les salaires ont été diminués de moitié. Qui peut savoir quels ils seront demain? En attendant, ils permettent de vivre. Mais comment? Des assiettes qui traînent sur les tables font la réponse, remplies de rogatons qui dégoûteraient un chien affamé. Ses bouches amères y mordent avec une avidité qui épouvante. Nous voyons une fillette de 12 ans porter son morceau d'étoffe pour manger ainsi. Elle est si hâve et si chétive que les larmes nous viendraient si l'agitateur nous disait d'un accent déclamatoire « N'est-ce pas la honte de l'humanité ?» Que lui répondre sinon qu'au jour de la grève, cette détresse humaine n'aura même plus ses os à ronger? 15 janvier. Vers 8 heures du soir, un de mes confrères de New York, Richard Harding Davis, vient me prendre avec 2 amis pour exécuter dans la Bowery une tournée nocturne après la tournée diurne. Ce remarquable écrivain, l'un des premiers conteurs de la jeune Amérique, est un homme de moins de 30 ans. Avec une large face, osseuse et mobile, rouge de hâle, un nez coupé court, un menton carré. C'est un de ces visages d'ici, glabres et puissants, avec des traits fins dans une physionomie forte. Il y a de l'extrême tension nerveuse, presque du surmenage dans le pli de la bouche et dans l'expression des yeux. Et pourtant, un air de jeunesse et de santé domine. Derrière le journaliste et le romancier, trop chargés de besogne, on devine le Princeton Man, tout voisin, l'étudiant qui, voici 8 ou 10 hivers, s'entretenait comme capitaine de quelque compagnie de football. Au sortir de l'université, Davis s'est fait reporter d'un grand journal de Philadelphie. Cet étrange métier l'ayant mis en rapport avec les pires canailles des bas-fonds de la ville, le pittoresque de ses réfractaires a éveillé en lui l'artiste, et il a dessiné plusieurs de ses figures de damnés sociaux dans une série de nouvelles, dont une au moins à laquelle j'ai fait allusion plusieurs fois déjà, Gallagher, est un chef-d'œuvre. Il a su peindre, là, en quelques traits d'une sûreté inégalée, le Gavroche de ce pays-ci, ce petit garçon féroce, au nerf d'acier, à la volonté déjà indomptable, que l'on voit dans les tramways et les chemins de fer, entrer par une extrémité de la voiture et sortir par l'autre, criant sa marchandise, journaux, romans ou fruits, d'un accent si âpre. Il y a de l'humour et du tragique dans les 50 pages de ce récit, auquel je renvoie le lecteur curieux de mœurs américaines. C'est de l'observation affreusement cruelle, et avec cela pathétique, sinistrement réaliste et pourtant gai. Une espèce de ver sauvage achève en santé ce que cette eau forte d'après nature aurait d'atroce. Et par ce soir de janvier, où nous roulions en landau vers cette Bowery, paradis de ceux que l'on appelle à Paris les escarpes, et à New York les Rooks, et les Rooks, Davis était bien le causeur de sa nouvelle, un humoriste visionnaire, rempli des anecdotes les plus inédites sur ces grotesques du vice et du crime. Il nous contait par exemple comment l'original petit garçon, qui lui avait posé Gallagher, était allé, après la publication, au bureau du journal, où ce croquis avait paru, réclamer sa part des droits d'auteur. Il se décrivait lui-même, sortant de la maison de son père à Philadelphie, en fraque de soirée, et rencontrant un voleur avec lequel il avait fraternisé dans l'incognito d'un tripot de banlieue. Le voleur cligne de l'œil et aborde Davis. « Que faites-vous là? Est-ce que vous êtes maître d'hôtel dans cette maison ?» Et comme l'écrivain s'amuse à répondre affirmativement, « Quand vous la dévaliserez, ne m'oubliez pas, je serai de la partie. » Et sur cette bonne promesse, les deux hommes se séparent en se serrant vigoureusement la main. Tout en nous délectant à cet animalisme d'une conversation mimée avec une espèce de génie et qui m'explique le talent de l'auteur, ce don qu'il a de faire courir et comme gesticuler sa phrase, nous voici arrivés à ce même poste central de police, où j'ai vu M. Byrne, l'autre matin, sourire aux mufles vaillants de M. Clark. C'est un autre détective que nous devons prendre le soir, et qui montre d'ailleurs la même carrure, la même audace tranquille que le premier. Les espèces sociales dans ces métiers excentriques élaborent une fixité du type que les espèces naturelles ne surpassent pas. Celui-ci professe, comme son collègue, une idolâtrie pour M. Byrne et un amour passionné pour sa besogne. Comme un chasseur de grosses bêtes ne vous épargne pas un seul des lions ou des tigres qu'il a tirés et vous étale des peaux après des peaux en vous marquant le trou de la balle, le policier nous force à passer en revue les photographies, par centaines, des criminels arrêtés à New York depuis ces dernières années. Ce qui domine dans ces héros du vol et de l'assassinat, c'est l'expression égarée ou maniaque, et c'est la tristesse. On peut compter les visages qui rient, et de quel rire, outrageant, voulu ou ailleurs. Moins nombreuses encore sont les faces qui révèlent l'intelligence. Elle est alors si concentrée, si visiblement repliée sur elle-même, si armée et si défiante, qu'elle fait peur même dans cet inefficace reflet, émané de ces inertes images. Je crois que je reconnaîtrais, si je les rencontrais dans la vie, les yeux d'une de ces photographies, entre autres, ceux d'un homme de 30 ans condamné comme faussaire et que le détective considère avec une admiration non dissimulée en murmurant « He was a great man ». C'était un grand homme. Comparant en souvenir cette collection de portraits avec une collection analogue que j'ai eue entre les mains à Paris, mais de criminels français, il me semble que ceux d'ici sont plus amers, plus sinistres, plus complètement déclassés, plus implacables et surtout plus volontaires. J'ai cherché en vain, parmi eux, cette physionomie, si fréquente en pays latin, de l'homme déchu par faiblesse, tout voisin de l'homme resté honnête par circonstance. Les choses sont-elles ainsi réellement, ou bien ai-je cédé, en les voyant telles, au goût des théories générales, naturelles ou voyageurs? Il ne m'a pas semblé non plus que le musée des pièces, à conviction, réunies à côté, fût composé tout à fait comme s'il eût été chez nous. Des tables de roulette y alternent avec des revolvers, des Nike sandbags avec des outils pour forcer les serrures, des moules à fausse monnaie avec des plaques à faux billets de banque. On dirait que les voleurs d'ici sont plus industrieux. Et comment exprimer cela? Moins occasionnel dans leurs mauvais coups. Le détective nous découvre une scie avec laquelle un célèbre assassin a scié le cadavre de sa victime. Pour obtenir de lui l'aveu de son crime, un autre détective imagina de se promener la nuit, vêtu d'un suaire et gémissant dans un couloir que nous visitons, et sur lequel donnait le cachot. L'assassin crut voir un fantôme, et il la voit en effet. « Mais, dit un de nos compagnons avec dégoût, ce n'était pas loyal. It was not fair play. » Voilà le vrai cri de l'anglo-saxon avec toute son horreur innée pour la ruse et pour le mensonge. En l'entendant, je me souviens d'une indignation pareille, éprouvée par une jeune fille devant laquelle on racontait la délicieuse hypocrisie d'un prince sicilien du dernier siècle. Malade à mourir, il fit le vœu, s'il guérissait, de bâtir une chartreuse. Il guérit. Et pour concilier sa dévotion et son avarice, il imagina de construire dans son parc, aux portes de Palerme, un pavillon en forme de couvent, qui se voit encore. Le mot de Certosa décore l'entrée, et les quelques 10 cellules sont peuplées de figures de moines, mais en cire, parmi lesquelles se trouve un abélard en train d'écrire à Héloïse. Quelle honte, fut le seul mot que cette anecdote d'une fantaisie charmante arracha aux lèvres de la jeune américaine. Elle n'y voyait, elle, que le manque de conscience et la bassesse de l'insincérité. Notre ami de ce soir n'est pas loin de juger d'eux-mêmes la perfidie employée vis-à-vis du sieur de cadavres, et il ne donnerait pas volontiers la main au policier inventif qui s'est avisé de ce joli tour.